militant, mais encore moins politisé. Je suis pas suffisant, donne des billets de Monopoly, teaser si ça vous chante. Mais je chanterai pas sur la tease, méprise-moi, méprise, tout part en couille, fasse son tour de piste. Frérot, ça sent le dernier tour de piste, ça sentait la mort, j'ai pris les armes. Puisque ça sent le four, je prie, les âmes risquent de prendre cher. On m'a dit, tu veux finir ta vie dans une grande chmer. Rapper pour manger, c'est comme braquer pour se ranger, mec, c'est comme craquer pour se venger de ton ex. J'ai ton expert de la rime et m'exaspère, il monte ses biceps, mais tolère-t-il la colère de ma tisère. À l'époque, on m'avait dit, tu parles pas grave, 15 ans plus tard, me parle pas de rap. Si je pars par là, le rap c'est plus un passe-temps, un passe-passe pour tous mes scars là, avec qui la vie nous espace tant. Plus de putes dans l'indépendant que dans les majors, moins manger, plus de langue pendant qu'ils te mettent des majeurs. Les personnes, mais nos rimes c'est de l'art, pas du larin. Nique des MC larcins qui se prennent pour Nicky Larson. Plus de putes dans l'indépendant que dans les majors, moins manger, plus de langue pendant qu'ils te mettent des majeurs. Les personnes, mais nos rimes c'est de l'art, pas du larin. Nique des MC larcins qui se prennent pour Nicky Larson.